Bienvenue à tous et à toutes en ce beau jour de Pâques à Nice. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que vraiment tu es ressuscité. Et ça, Seigneur, ça signifie que nos péchés sont pardonnés. Le sacrifice que tu as offert au Père pour nous a été accepté par lui. Et nous ne serons jamais séparés de lui. Seigneur, nous voulons réfléchir un peu plus ce matin sur l'amour que ce sacrifice représente, Seigneur. Que toute notre vie soit faite en réponse à cet amour et non pas parce que le pasteur nous dit d'être à l'heure, parce que le pasteur nous dit de travailler, le pasteur nous impose des choses. Fais que nos vies soient un chant de louange, Seigneur. Aide-nous à comprendre un peu mieux la profondeur, la largeur, la hauteur, l'incommensurabilité de cet amour éternel et parfait. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité et qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Nous t'en remercions à l'avance. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Amen. Ce matin, nous avons un rassemblement sur la plage de l'Opéra. C'est un rassemblement que nous faisons depuis plusieurs années avec d'autres églises pour nous réjouir de la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie, mais souvent la joie, on la comprend pas si on ne comprend pas la tristesse, le désespoir qui a précédé cette résurrection et cette joie, cette porte ouverte sur la vie, sur l'espérance, sur l'assurance du salut. Et en fait, ce matin, j'aimerais qu'on se tourne dans Matthieu 24. C'est Matthieu 27, verset 45. Matthieu 27, verset 45. On arrive là à un cri de détresse, à un cri de désespoir qui est peut-être le plus grand cri de désespoir qui ait jamais été poussé sur la terre. Vous êtes familier? Vous connaissez sans doute l'histoire de la crucifixion. Et il est dit que lorsque Jésus avait été crucifié, il a prononcé plusieurs paroles. Il a prononcé sept paroles. Il a prononcé des paroles qui, en fait, ne nous surprennent pas parce qu'elles sont en accord avec son caractère. En regroupant les différents évangiles, Matthieu, Marc, Luc et même Jean, on voit que ces trois premières paroles. La première, c'était Jésus qui disait au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux qui mettaient sur la croix le Fils du Dieu vivant, qui condamnaient injustement un homme qui avait vécu parfaitement, qui n'avait jamais commis de péché. Pardonne-leur. Ça ne nous surprend pas trop parce que c'est complètement en accord avec son caractère, son amour, son plein de pardon pour les hommes. Sa deuxième parole, c'était pour l'un des brigands à qui il disait « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Et là non plus, ça ne nous surprend pas parce que c'est en plein accord avec son personnage, son caractère. Il pardonne pour donner la vie. Il promet à ce brigand qui a été lui justement puni, ou du moins qui avait des raisons d'être puni, il lui promet d'être avec lui au paradis le soir même. Puis, vous souvenez qu'il s'adresse à Jean, plutôt à sa mère, en disant « Femme, voici ton fils », et puis à Jean en disant « Voici ta mère » pour qu'elle prenne soin, pour que Jean prenne soin de sa mère qui doit être dévastée, complètement brisée par la douleur, le chagrin. Et puis il y a cette autre parole. On se demande d'ailleurs comment, dans sa douleur intense après cette flagellation, lui qui a été frappé avec un fouet aux lanières de cuir sur lesquelles on avait mis des bouts d'os et de métal et de verre, comment il a pu avoir une pensée pour les autres. Mais c'est son caractère. Et puis, il est dit au verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Les Juifs comptaient commencer la journée à partir du matin, à partir de 6 heures. Donc de 9 heures à midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Pardon, de midi à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et ça, c'est une obscurité dont il est question dans 3 des évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc et Luc, cette obscurité qui est une obscurité physique. On sait que ce n'est pas dû à une éclipse de lune parce que c'était la Pâque et que la Pâque se passait à la pleine lune, donc il n'était pas possible que la lune était en position pour causer une éclipse sur la terre. Non, c'est une obscurité qui est de nature supernaturel, surnaturel. Cette obscurité, elle est documentée non seulement par les évangiles, mais par des historiens. Il y a toute une liste d'historiens qui font mention de cette obscurité qui a frappé les esprits. Il y a un historien qui s'appelle Philos, qui a écrit en 62 de notre ère, qu'il y a eu une obscurité en l'an 32. Julius l'Africain, qui citait un autre historien, Phlégon, qui parle de cette obscurité qui s'est abattue sur Jérusalem, sur la Terre Sainte. Eusèbe le cite, Tertullien, Lucien, il y a toute une concordance de témoignages qui a eu une obscurité physique. Et c'est un peu comme si la création s'inclinait devant cette chose monstrueuse de ce Fils parfait qui, en toute chose, plaisait au Père, lui qui n'avait jamais rien fait de mal, lui qui pouvait dire avec assurance « Je fais toujours tout ce qui lui est agréable » en parlant du Père, il est mis à mort, injustement, de la façon la plus cruelle qui soit. Et les gens qui se moquaient de lui, en disant « s'il est Dieu, qu'il se délivre lui-même, que Dieu le délivre, s'il l'aime, car il avait dit « je suis le Fils de Dieu ». Pendant 3 heures, plus un mot. Une obscurité pesante. Les sacrifices dans le temple se sont arrêtés. Il n'y avait que le sacrifice de l'agneau de Dieu qui prenait place. Et puis, Jésus prononce ce cri de désespoir. Il s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'est un terrible cri de désespoir, car on sait que Jésus a de toute éternité été dans la plus grande communion avec le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une intimité, une communion dont nous n'avons pas idée. Quelque chose que nous pouvons seulement essayer d'imaginer. Mais lui qui était parfaitement saint, lui qui avait été tenté en toutes choses, mais n'avait jamais commis de péché, il est dit qu'il est devenu péché pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que une des façons dont les rabbins, à l'époque de Jésus, faisaient allusion à un passage de l'Ancien Testament, c'était d'en citer le premier verset. Il n'y avait pas encore de numérotation, il n'y avait pas encore de chapitre ni de verset. Et lorsque Jésus se laisse aller à ce terrible cri de désespoir, le plus poignant qui ait jamais été proféré sur la terre, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ceux qui étaient là savaient à quoi ils se référaient. Ils se référaient, si vous voulez vous tourner avec moi, au psaume 22. Le sacrifice de Jésus à la croix a inspiré beaucoup d'artistes, que ce soit des sculpteurs, des écrivains, des poètes, mais aussi des peintres. Et un de mes tableaux favoris, c'est celui de Salvador Dali, qui représente la crucifixion vue des yeux du crucifié. C'est-à-dire que vous avez sans doute, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez sans doute le trouver sur Internet, ce tableau où nous voyons ce que voyait Jésus du haut de la croix. Et le psaume 22, c'est en fait la crucifixion d'après Jésus-Christ lui-même. C'est un psaume prophétique, c'est un psaume messianique. Il parle en prophétie du Messie, il prédit ce qui allait arriver au Christ. Christ en grec, ça veut dire celui qui est le Messie, c'est-à-dire, ça c'est le mot hébreu, la transcription du mot Machaya. Et ça veut dire celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu. Ce qui est fantastique dans la Bible et ce qui distingue la foi chrétienne d'absolument toutes les autres religions, toutes les autres fois, c'est la signature de Dieu qu'on y trouve. Dieu sait de comment faire pour authentifier sa parole. Quand nous écrivons un mot à quelqu'un, pour l'authentifier, nous devons le signer. Et pas une photocopie, il faut que ce soit une signature à l'encre, au stylo bille ou à l'encre. Mais Dieu, il n'a pas signé à l'encre, il a signé à l'encre des prophéties. Il est le seul qui ait annoncé des événements dans sa parole qui se sont accomplis par la suite. Beaucoup se sont déjà accomplis. Certains ont un accomplissement ultérieur qui va arriver. C'est souvent comme ça dans la prophétie. Il y a d'abord une prédiction qui peut avoir un premier accomplissement et puis il y a une prédiction ultime à la fin des temps. On a comparé ça des fois à un paysage de montagne où on peut voir des montagnes au premier plan et puis on peut voir des montagnes au second plan et ainsi de suite. Mais la prophétie, c'est la façon dont Dieu authentifie son message. Et ça, je suis désolé, que ce soit Mohammed, Bouddha, le Dalai Lama, Ben Laden, quiconque, je les mets au défi de me montrer une seule prophétie qui se soit accomplie. Chaque année, on a des imbéciles, des uluberlus qui font des prophéties, et il y a des uluberlus, des imbéciles qui achètent ces prophéties dans les journaux, dans les paris matchs et dans les trucs pour savoir qu'est-ce qui va se passer l'an prochain. Et quand on regarde, il y en a Il n'y en a pas. C'est 0% de réussite, d'accomplissement. La parole de Dieu est la seule écriture au monde qui se soit accomplie et qui va continuer de s'accomplir. N'ayez aucun complexe par rapport à toutes les autres fois, toutes les autres religions. Vous avez la vérité. Dieu l'a signée par les prophéties. Ce psaume 22, il est incroyable parce qu'il décrit la crucifixion 1000 ans avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix. Mais surtout, il décrit le supplice de la crucifixion 400, certains disent 600 ans avant qu'il n'ait été utilisé pour la première fois par les Perses. Il n'y a pas d'autres enregistrements, d'autres récits historiques de crucifixion que bien plus tard. Et là, c'est exactement les phénomènes qui se passent dans la crucifixion. On va lire ensemble. Donc lorsqu'il disait ce terrible cri de désespoir, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faisait allusion à tout ce passage. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme. Le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera et le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule. Comme un lion qui déchire et rugit, je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se déchaîne comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens, hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir. Mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. C'est intéressant parce qu'il y a une inscription au début du psaume. Souvent dans les psaumes, il y a une petite inscription qui est destinée aux musiciens ou aux chefs de chœur. Et ici, il est dit que ce chant, ce psaume doit être chanté sur la musique de la biche de l'aurore et que c'est un psaume de David. C'est un sacré contraste entre la beauté, la vulnérabilité d'une biche au petit matin et le terrible sort qui est fait à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est dit que je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. Encore une fois, ça fait référence à cette obscurité qui s'est appesantie sur la terre d'Israël. On est surpris, on est révolté, on est attristé par ce cri de désespoir. Que voulait exprimer Jésus par ce cri ? Est-ce que c'était le désespoir qui avait plus d'issue ? Peut-être. Peut-être aussi l'impatience envers ceux qui doutaient de lui ? Nous, c'est souvent plus la révolte contre une punition injuste. C'est la chose qui nous fait réagir généralement le plus violemment, l'injustice dans la punition, dans le crime. Est-ce que c'était peut-être un doute sur ce plan du salut qui avait été décidé de toute éternité dans le mystère de la divinité, du Dieu unique en trois personnes. Non, je crois que c'était vraiment un cri de soif de la présence de Dieu, la présence du Père. Vraiment, personne n'a jamais été aussi seul, aussi abandonné que Jésus-Christ à ce moment-là. Même ceux qui rejettent Dieu ne sont pas rejetés par lui. Il est dit dans Matthieu 5, 45 que le Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça veut dire qu'il prête vie, il donne de bonnes choses à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas, à ceux qui l'acceptent comme à ceux qui le rejettent. Lui, encore une fois, de toute éternité, il a partagé cette intimité extraordinaire avec le Père, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Dès la Genèse, dès le début de la Bible, au commencement, Dieu, c'est le pluriel, Elohim, allusion à la Trinité divine, un seul Dieu divine, un seul Dieu en trois personnes. Jean, qui nous parle de ce même au commencement, Jean 1, verset 1, au commencement la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On voit plus loin que la parole, c'était Jésus-Christ. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et cette séparation terrible, c'était le paiement d'une rançon terrible. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Le prophète Ésaïe 59, 1, 2, disait « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Cette séparation, elle était la nôtre. Mais volontairement, que ta volonté soit faite, pas la mienne, a prié Jésus, si cette coupe peut passer mes lèvres, mais ta volonté d'abord. Il a été abandonné par le Père pour que nous ne soyons jamais abandonnés pour toujours par le Père. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, la vie en communion avec le Dieu Tout-Puissant, dans l'intimité et l'amour réciproque. Peut-être que vous avez des problèmes en ce moment. Peut-être que vous avez des sentiments de désespoir, peut-être que vous vous sentez abandonné par Dieu, abandonné par les hommes. Sachez que Dieu ne vous abandonne jamais. Jésus disait dans Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » Si vous voulez venir à Dieu, jamais il ne vous repoussera, jamais il ne vous abandonnera. Et donc, Jésus-Christ, il a été séparé du Père parce qu'il mourait à ma place. C'est remarquable, en fait, vous savez qu'il y a plusieurs endroits où il y a des prières prononcé par Jésus, et à chaque fois il s'adresse à Dieu le Père en l'appelant Père, sauf ici, c'est le seul passage où Jésus parle au Père en disant « Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette terrible distance qui s'est créée parce que Jésus a accepté de prendre nos péchés, de devenir péché pour nous-mêmes. Encore une fois, si vous pensez aux choses les plus horribles dont on vous parle dans les médias, les choses les plus horribles que vous avez peut-être commises vous-même, que vous multipliez ça par des milliers d'années d'histoire, les péchés passés avant Jésus-Christ, les péchés futurs, vous multipliez ça par la population mondiale, toutes les violences, les corruptions, les meurtres, les viols, les sadismes, les morts inexpliquées, les chagrins, les cœurs brisés, tout ça, essayez d'aller au plus profond du trou et tout ça, en fait, tout ça, c'est devenu péché sur Jésus-Christ, lui qui était parfait. Et il est dit que le Père ne peut pas contempler l'iniquité. Et on a l'impression qu'il a justement, par cette obscurité, il a détourné les yeux du péché, du super, super concentré au top de péché qui était devenu son propre fils bien-aimé. Une chose qui est terrible et remarquable, c'est la restreinte du Père. À tout moment, il aurait pu intervenir contre ceux qui l'accusaient injustement, contre ceux qui se moquaient de lui, contre ceux qui le dénudaient pour le mettre sur la croix, contre ceux qui plantaient des clous dans ses mains, dans ses pieds, qui avaient flagellé son dos. À tout moment, le Père aurait pu intervenir. Et je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je ne peux pas imaginer de laisser un de mes enfants traverser cette souffrance, traverser cette humiliation, cette injustice, si en moi j'avais le pouvoir de réagir. Avant-hier ou hier, Sébastien m'a demandé de l'emmener dans la baie de Villefranche pour faire du surf. Il faisait un temps exécrable, un temps pourri. Il faisait un froid de canard. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Il y avait quelques vagues. C'est vrai qu'avec ces conditions, il y avait des vagues. Bryce Dennis aurait pu se régaler. J'étais pas en forme, j'étais emmitouflé. Et puis j'ai vu Sébastien qui s'est mis en tenue de surfeur. Il a revêtu une combinaison néoprène. Il a pris sa planche et puis il est allé au bout d'un quai qui était battu par les vagues. Il a attendu que ça se calme un peu. Puis il a sauté sur sa planche et puis il a commencé à partir au loin. Et j'étais là, j'ai dit, mais attends, si jamais il a un malaise, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais même pas quel est vraiment le numéro des pompiers. Est-ce que c'est le 17 ou le 19 ou le 18? Et puis non seulement il voulait faire des vagues, mais il voulait aller là où elles étaient bonnes. Donc il est parti, on ne voyait qu'un petit point noir et on voyait qu'il montait. Heureusement, il a trouvé un collègue, un autre cinglé du surf. Et j'étais là, je me disais, mais si jamais il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je me disais, même si je me mets à l'eau, je vais faire une crise d'hypothermie avant d'avoir fait 5 brasses. Et ça, c'est moi qui suis un père imparfait. J'aurais tout mis en œuvre pour essayer de le sauver s'il lui est arrivé quelque chose. Et on voit le Père qui laisse son propre fils bien-aimé, son fils parfait, prendre toute cette ignominie, prendre toute cette souffrance, devenir péché pour nous par amour. Le verset 4 du psaume 22 dit « Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est la sainteté de Dieu qui doit punir le péché. Souvent, les gens pensent que si Dieu est Dieu et qu'il nous aime vraiment, il doit tout pardonner. Et... Non, Dieu est saint. Et le péché, il ne peut pas le tolérer. Il doit être puni. Il doit être détruit. Mais Dieu, c'est la bonne nouvelle de la Bible, Dieu est amour. Dieu doit punir le péché, mais il ne veut pas punir le pécheur. Pour nous, c'est impossible à résoudre. On ne comprend pas. Mais lui a un prix énorme pour lui-même. Il a trouvé une solution, entre guillemets. C'est pas comme s'il avait dû chercher, c'était un plan de toute éternité. Il a sacrifié son propre fils. Tu habites les louanges de ton peuple. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Lorsque nous louons le Seigneur, nous faisons l'expérience de sa présence. Chantez de tout votre cœur, même en silence. C'est une façon de susciter l'émotion dans votre cœur. Si le thème favori des chants, des chansons, c'est l'amour, c'est bien parce que le chant, c'est une façon de manifester des émotions. Et trop souvent, nous, les chrétiens non extra-charismatiques, on dit qu'il faut se retenir, il faut pas monter d'émotions. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Nous sommes des êtres et des hommes et des femmes d'émotions. Il suffit de nous voir regarder un match de foot en finale pour s'en rendre compte et s'en convaincre. Nous pouvons avoir une riche intimité avec Dieu par la louange. C'est le remède contre la sécheresse dans votre relation avec Dieu. Et ce n'est pas seulement limité au dimanche. Remets ton sort à l'Éternel, l'Éternel le libérera. Verset 9, c'est la prophétie des moqueries des gens qui allaient dire « Mais si tu es le Fils de Dieu, que Dieu te délivre maintenant. » Car il avait dit « Je suis le Fils de Dieu. » Jésus aurait pu lui-même se faire libérer par des légions d'anges, nous dit-il dans Matthieu 26, 52. Il aurait pu vouloir se sauver, mais alors il ne nous aurait pas sauvés. C'était un terrible choix pour lui, mais seul le sacrifice de Jésus parfait, Dieu infini, pouvait payer complètement notre dette. Il dit une chose choquante. Verset 7 du psaume 22, « Et moi je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. » Nous savons dans Philippiens, chapitre 2, qu'il y a cette descente de la gloire de Jésus, d'être avec le Père, qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à avoir à arracher, à retenir farouchement. Il s'est volontairement humilié jusqu'à d'abord devenir un homme, et puis jusqu'à la croix. Et là, en fait, Dieu Tout-Puissant, Fils du Père, s'est fait homme. Quelle humiliation. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il est devenu l'agneau de Dieu. Dieu le Fils est devenu homme, il est devenu agneau. Et là, il nous dit qu'il est devenu un ver et non un homme. Un ver, c'est, pensez à un petit lombric, quoi. C'est vraiment pas glorieux comme vie. Je sais pas, peut-être qu'ils ressentent des émotions, trouvent du bon sable, trouvent de la bonne terre, trouvent de l'eau, de l'humidité. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le texte original et on s'aperçoit que le mot qui est traduit par ver, en fait, il a deux traductions en hébreu. C'est un mot hébreu qui a deux traductions en français. Ça peut être soit d'abord le ver, soit écarlate, la couleur rouge écarlate, cette couleur rouge très vive. Et en fait, c'est le même mot parce que c'est à partir d'un petit verre, le coccus ilici, pour les spécialistes, qu'ont tiré cette teinture rouge écarlate. Cette teinture était extraite en pulvérisant les corps séchés des vers femelles. Elle s'accrochait à un arbre et elle mourait en donnant la vie. Et les petits rejetons mangeaient ce qui leur avait donné la vie. Et il ne restait plus sur l'arbre qu'une espèce de cicatrice, comme une cicatrice rouge, que l'on récupérait et qui permettait de teindre dans le rouge le plus vif, le plus beau, le plus grenat, le plus écarlate, les vêtements. Et ce rouge, cette humiliation, elle a conduit au versement du sang de Jésus-Christ, au sang précieux de Jésus. Et au bout de 3-4 jours, ces vers, la couleur rouge de la cicatrice devenait blanche. Et ça nous rappelle dans Ésaïe 1,18, où le prophète disait « Venons donc et plaignons, dit l'Éternel », il rapportait les paroles de Dieu, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire la rouge écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Ça part de la puissance du sang de Jésus-Christ. Son sang peut nous transformer complètement. Par son sang, par la puissance de son Esprit-Saint, nous devenons une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est pas seulement pour les nouveaux convertis ou les gens qui se convertissent sur le moment. Même ceux qui sont convertis ont besoin de cette transformation. Ils ont besoin de demander à Jésus de les transformer par la puissance de son sang. Il continue dans ce verset. Donc c'est comme si Christ avait parlé ces choses 1000 ans avant qu'elles ne lui arrivent. Tu m'as confié au sein de ma mère, sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, etc. Le Dieu infini s'est fait homme. C'est pas comme s'il a un flashback. Dès le ventre de sa mère, vous vous souvenez que Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère à lui, tressaillait d'allégresse parce qu'il reconnaissait la présence de Jésus, Fils de Dieu, en Marie. L'ange avait expliqué à la Vierge Marie, on a vu ça en étudiant Luc, Luc 1,35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Dieu a protégé cet enfant. Vous vous souvenez du long voyage de Nazareth à Bethléem, de l'étable sale, dans la mangeoire aux animaux, la poursuite par les soldats d'Hérode qui voulaient s'assurer qu'il n'y avait aucune concurrence à son trône. Dieu l'avait protégé tout ce temps-là, et pourtant, là, à la croix, il va le laisser passer par la plus horrible des souffrances, celle d'être séparé de lui. Verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » On se souvient que même les disciples se sont cachés au moment de la crucifixion. Pierre a renié son maître. Personne, absolument personne, n'est venu à son secours. Il dit être entouré par des taureaux de Bazan. Et bien sûr, ça c'est une image des chefs religieux qui lui en voulaient à mort, qui voulaient sa fin. Mais c'est surtout un symbole, je crois, des forces spirituelles, des démons qui voulaient absolument éradiquer cette vie qui était venue pour rétablir le royaume de Dieu, pour rétablir le règne de Dieu parmi les hommes. Et puis, à partir du verset 15, on a une description qui surprend encore les docteurs d'aujourd'hui, parce que c'est une description absolument exacte du phénomène physiologique, il n'y a plus beaucoup de psychologie à ce niveau-là, des phénomènes physiologiques qui se passent, qui accompagnent une mort par crucifixion. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, verset 15, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles, ma force se dessèche comme de l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Il est dit dans Luc 22, au verset 44, Jésus était en proie à l'angoisse, qu'il priait très fortement, instamment, et que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est une condition physiologique qui est un nom médical, une hématohydrosis. Héma, c'est le sang, hydrosis, c'est l'eau. C'est lorsque un corps, une personne est soumise à un stress extrême, physique ou psychologique, les capillaires qui amènent du sang à la peau et aux glandes sudoripares qui donnent la sueur, laissent passer du sang dans les conduites de sueur. Et il y a donc ce sang qui coule avec la sueur. La souffrance musculaire cause une tétanisation, les muscles deviennent très durs, les os sont tirés par les muscles, les os sont disloqués. Dans Jean 19, il est dit que, voyant que Jésus était déjà mort, les soldats ne lui ont pas brisé les jambes comme ils le faisaient par pitié, après avoir poussé à la souffrance, à l'agonie extrême. Ils montraient un peu de pitié en brisant les jambes, ils accéléraient la mort par suffocation. Mais un des soldats lui perça le côté avec la lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Normalement, les morts ne saignent pas, à moins qu'on ne perce l'enveloppe qui entoure le cœur, là où les cellules rouges du sang se séparent entre des cellules rouges et du sérum aqueux. Et ça, c'est la preuve que Jésus était bien mort, le fait qu'il soit sorti de l'eau et du sang. Son cœur était comme de la cire qui se fondait au milieu de ses entrailles. Il refuse même, dans Matthieu 27, 34, de prendre un anesthésique, anesthésiant, un mélange de vin et de mêlé de fiel. Il le goûte et il ne veut pas échapper à la douleur parce qu'il sait qu'il paye pour nos péchés. Nous savons qu'il a ses mains et ses os percés. Ses mains et ses pieds, pardon, sont percés, mais pas un seul os n'est brisé. Et ça fait référence pour les Juifs qui étaient là, et pour nous qui connaissons un peu l'Ancien Testament, à la Pâque juive, l'Exode, chapitre 12, verset 46, il est expliqué que l'Éternel avait envoyé un fléau sur l'Égypte le pharaon qui refusait de laisser partir le peuple juif. Par l'intermédiaire de Moïse, il avait amené des fléaux, des terribles souffrances sur l'Égypte. À chaque fois, le pharaon semblait prêt d'accepter, de capituler et de laisser partir le peuple. Mais dès que le fléau arrêtait, il disait non. Et finalement, la dernière des plaies, c'est la mort des premiers-nés qui devait arriver lorsque l'ange de l'Éternel arrivait sur les maisons du peuple juif, du peuple en Égypte, pardon. Ceux qui avaient sacrifié un agneau sans tache, un agneau dont tous les os étaient intacts, Il recueillait le sang et il mettait le sang sur le chambranle, sur l'encadrement des portes. Et lorsque l'ange de l'Éternel arrivait et qu'il voyait ce sang sur la maison, il passait au-dessus. Et c'est ce que veut dire le mot Pâques en juif. Pessa, ça veut dire passer par-dessus. Ça veut dire, on pourrait dire, jouer à saute-mouton. En faisant un mauvais jeu de mots, on sautait si l'agneau avait été sacrifié. C'est un symbole qui est utilisé encore aujourd'hui en temps de guerre. Les bombardiers ennemis n'ont pas le droit moral de bombarder un bâtiment sur lequel il y a une croix rouge. S'il y a une croix rouge, le bombardier doit préserver et ne pas déverser ses bombes. Certains le font parce qu'ils n'ont aucune règle morale, mais les accords de guerre s'entendent pour que l'avion passe au-dessus de ceux qui sont malades. Et de la même façon, l'ange disait, il est expliqué dans l'Exode que ce sang sur les maisons était un signe. Un signe de quoi ? Un signe que le jugement avait déjà été reçu. Et ceci, c'est une illustration à l'avance. Le vrai sens, c'est que si nous sommes croyants, si nous sommes au bénéfice du sacrifice que Jésus a subi pour nous, c'est comme si le sang de l'agneau est sur notre maison, sur notre tête. Il y a comme une croix rouge au-dessus de mon crâne. Vous, c'est plus difficile à voir parce que vous avez des cheveux. Mais l'ange de l'Éternel, la punition va passer au-dessus. Et ça, c'est tout le sens des sacrifices de l'Ancien Testament. Tous les pages que vous pouvez lire et qui sont des fois rébarbatives, c'est pour dire que le péché coûte cher. C'est qu'on Dieu doit traiter le péché. Et tout pointe vers ce sacrifice, vers ce psaume 22 qui s'est réalisé sur la croix. Il est dit au verset 19, « Ils se partagent mes vêtements. » On sait que c'est ce qui s'est passé. Ils ont tiré au sort. Il y a tout un tas de prophéties ici que l'on peut voir accomplies à la lettre. C'est dans Matthieu 27, 35. « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent en tirant au sort ses vêtements. » Ces soldats rustres, ignorants, brutaux, méchants, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir des prophéties, d'anciennes prophéties à la lettre. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a des prophéties que certains accomplissent sans avoir la moindre idée, qui sont en train de prouver que la parole de Dieu est authentique. Ils sont en train de signer ou de montrer la signature de Dieu dans la réalité des phénomènes, des événements d'aujourd'hui. Toi, Éternel, verset 20, qui es ma force, viens, hâte à mon secours, ne t'éloigne pas. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, des cornes du buffle, tu m'as répondu. Les chiens, c'était souvent une expression utilisée par les Juifs pour désigner les païens. Jésus sur la croix était entouré par des païens, des soldats qui le mettaient à mort, des gens qui étaient là de tout l'Empire romain à l'époque de cette Pâque juive. Jésus est notre Pâque. Sauve-moi de la gueule du lion, des cornes du buffle. Ça fait allusion aux cornes de l'animal qui pouvait tuer, mais aussi peut-être aux cornes de l'autel sur lequel était offert le sacrifice. Et là, il dit plutôt, à la fin du verset 22, du chapitre 22, « Tu m'as répondu. » Dieu a répondu au Fils par la résurrection. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 24. La résurrection ne laissait personne la mettre en doute. La résurrection, c'est un phénomène historique indéniable. On ne peut pas dire « Oh, c'est une jolie histoire, c'est un conte de fées ». Non, la résurrection est un phénomène historique. absolument historique que les ennemis de la foi chrétienne ne peuvent pas nier, ils doivent ne pas en parler. C'est même la clé de voûte de notre foi. Si la résurrection, si je n'étais pas convaincu de la résurrection de Christ, alors peut-être que je serais en train, je ne sais pas ce que je ferais, mais je ne serais pas ici, je ne serais pas ici à vous parler. Vous n'auriez pas besoin d'être ici. Tous nos efforts, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, ce serait absolument stupide. On serait des hommes les plus malheureux. Croire qu'en fait, il y a un futur alors qu'il n'y en a pas. Croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est resté mort. Nous avons eu le privilège de pouvoir aller voir le jardin de la tombe à Jérusalem il y a 3 semaines avec Nancy. Et je peux vous assurer que la tombe est vide. On voit même que la tombe, elle a été agrandie. Il y a une partie qui a été creusée et on voit de toute évidence qu'il y a une partie qui a été rajoutée. Peut-être que Joseph d'Arimathée n'était pas très grand et que quand on a voulu mettre Jésus dans cette tombe qui n'avait jamais été utilisée, on l'a agrandie un peu. Les soldats ont placé des témoins, ils ont bloqué, ils ont mis des gardes et pourtant Jésus-Christ est ressuscité. Et encore une fois, la simple logique montre que la résurrection a eu lieu. Si elle n'a pas eu lieu, alors soit les ennemis, soit les amis de Jésus l'ont prétendu. Si ce sont les amis de Jésus qui ont caché le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité, on peut imaginer que lorsqu'ils ont subi des persécutions, ils auraient dit « bon, mais d'accord, on reconnaît, on a voulu faire une blague, on a caché le corps, c'est pas vrai, on le reconnaît ». Quand on ne meurt pas pour une plaisanterie ou pour une fausse histoire comme ça. Si ce sont les ennemis de Christ qui ont emmené son corps pour se dire que on n'aura plus à nous embêter avec lui, dès que la rumeur de la résurrection s'est répandue dans les alentours, il aurait été si facile de montrer le cadavre de Jésus pour dire, voyez, il n'est pas ressuscité. D'autres faits psychologiques, le fait que les disciples qui avaient tellement peur, qui se cachaient de peur qu'on les attrape, qu'on leur fasse subir le même sort, ils sont morts pour annoncer cette nouvelle. Ils n'avaient plus aucune peur parce qu'ils savaient qu'il y a une résurrection, que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Pâques, c'est tout ça que nous célébrons. Jésus a crié... mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a crié ça pour que nous n'ayons jamais à le crier. Quelles que soient vos circonstances, quel que soit l'état de votre cœur, la tristesse, la douleur, la peine, Pâques, c'est la victoire sur toutes ces choses. Est-ce que Jésus est votre Pâques ?